sur la trame de Tung, à l'occasion de la traduction de la nouvelle traduction là, de Jean-Pierre Lefebvre, sur deux points, en introduisant la chose sur deux plans. Le premier plan, c'est que même en ayant lu cette traduction et regardé un peu ce qui s'est, les différences qu'il y a avec celles qui existent déjà au PUF, je crois qu'on peut continuer à dire très, très gentiment, n'est-ce pas, que la question de la lecture de la trame de Hutung se pose toujours, et que c'est pas parce qu'elle est traduite et retraduite de différentes façons que le problème principal cesse de se poser, qui est tout simple, c'est la question de savoir quelles sont les raisons de croire que ce que dit Freud, que ce que dit Freud dit du rêve est vrai. La simple. Et ces traductions ne font qu'assumer l'une comme l'autre des évidences, pense que le texte est lisible comme un texte de sens commun, pas comme une élaboration conceptuelle, pas comme un texte scientifique à proprement parler dans les coordonnées dans lesquelles existait la psychologie de son temps, mais aussi dans l'ambition clairement philosophique qui est affichée à plusieurs endroits dans le texte, qu'on peut le traduire comme ça, sans se demander au fond si on a des raisons de croire à ce que Freud nous dit du rêve. Et en particulier de ce par quoi il commence l'édition donc de 1900, voilà, qui est bon, la première phrase hein, du livre, de l'introduction, hein, que je vous, le premier paragraphe que je vais partir. En tentant ici d'exposer l'interprétation du rêve, je ne pense pas avoir débordé le périmètre des questions qui intéressent la neuropathologie, hein, un texte scientifique, absolument, ça fait aucun doute, qui s'inscrit dans le contexte de ce qu'on appelle la neuropathologie à l'époque chez les Allemands. Il apparaît bien en effet à l'examen psychologique que le rêve est l'élément premier dans la série de formations psychiques anormales dont les autres éléments, et là Lefebvre met en note que ces éléments ici c'est glide, hein, qui est à la fois le maillon hein, et le membre dans une totalité, hein, glide. Dont les autres éléments, et il donne la liste de ces autres éléments, la phobie hystérique, l'obsession et le délire, ne peuvent, pour des raisons liées à sa pratique, que préoccuper le médecin. Le rêve, comme on le verra, ne peut pas revendiquer une signification pratique analogue, mais sa valeur paradigmatique pour la théorie n'en est que plus grande, et quand on ne sait pas expliquer la genèse des images oniriques, on s'efforcera en vain de parvenir aussi à la compréhension des phobies et des idées obsessionnelles et délirantes, voire d'exercer éventuellement une action thérapeutique sur celle-ci. Et donc, on va commencer par ça, ce sera un peu le simple fil conducteur, c'est quand même quelque chose de très restreint, c'est un traité de neuropathologie qui s'intéresse aux rêves dans une série dont le premier élément est le rêve et dont les autres ne sont pas absolument n'importe quoi, toutes les manifestations qui peuvent exister, mais la phobie hystérique, les obsessions et les délires. Plus exactement, parce que c'est traduit avec moins de précision en fait que dans les éditions des PUF, les représentations, c'est Zwangs- und Wahnvorstellungen, c'est-à-dire les représentations de contraintes et les représentations délirantes, de délire. Et un peu plus loin, au lieu de Vorstellungen, vous avez Idee. C'est les idées obsessionnelles et les idées délirantes. Avec donc comme première proposition, sans laquelle je crois qu'on marche complètement à côté du thème, c'est qu'il y a une ambiguïté très forte. C'est qu'évidemment, ce n'était pas à proprement parler un objet médical, on ne soigne pas les rêves de quelqu'un, mais que néanmoins, ce premier élément a une valeur de paradigme, dit Freud. Or, et c'est un point sur lequel j'insistais déjà quand j'avais écrit ce commentaire de la trempe de Hutung, et donc en 80, c'est un truc que j'ai fait à la milieu des années 90, mais qui était publié à la fin des années 90, aussi étonnant que ça paraisse, et je vous assure, j'ai vraiment lu et compulsé des biographies absolument considérables, le simple effort de mettre en lumière les raisons que Freud a de défendre de manière pas du tout psychanalytique, mais de manière simplement ordinaire, la validité de cette thèse sur le rêve n'a jamais, tout simplement jamais, été examinée. C'est-à-dire que de l'intérieur de la psychanalyse, on fait retour sur la trame d'Oitum pour y puiser différents éléments, mais la constitution elle-même de ce livre-là n'est jamais examinée. Ce qui n'est jamais examiné, c'est au fond, pour travailler en épistémologue, en quelqu'un qui ouvre un traité de neuropathologie, c'est pas, il n'y a pas écrit psychanalyse, hein, c'est un traité de neuropathologie, même si le mot de psychanalyse existe à l'époque depuis 3-4 ans, hein, puisque la première occurrence, je crois que c'est 1896, donc on ne peut pas dire que... Bon, les deux choses que ça veut dire pour un psychologue, pour un philosophe, pour un épistémologue, c'est deux questions qui se posent. Est-ce que la théorie de Freud fait sens? Est-ce qu'elle a du sens? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut simplement comprendre? Ou est-ce qu'elle est composée d'éléments qui sont en eux-mêmes si contradictoires, biscornus, etc., que la question même du sens du livre est énigmatique? Et deuxième chose, si elle fait sens, est-ce qu'elle est vraie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que de la manière dont il a construit les choses, il y a des éléments qui permettent de le discuter? Et évidemment, si c'est vrai, c'est pas du rêve en général. C'est vrai du rêve, comme le concept en a été préalablement construit par Freud. Ce qui pose tout de suite une question, n'est-ce pas? C'est que die Traumdeutung, alors maintenant c'est traduit par l'interprétation du rêve, c'est très important de marquer que c'est pris comme une sorte de terme générique dans lequel on va mettre le cauchemar, et même, si vous avez lu le texte en détail, des phénomènes plus ou moins bizarres, les images rémanentes chez Hilberer, certaines formes d'hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques, etc., les rêves traumatiques dans la dernière édition que Freud en donnera, etc., dans toutes sortes de phénomènes qui sont rangés de façon, je dirais, commune, hein, par le langage commun dans le reste des expériences oniriques, etc., mais bon, qui sont appris au sens de Traum, un truc unitaire. Alors, ça veut dire que ça c'est quelque chose qui va s'affirmer progressivement dans la succession des éditions, ça va vous paraître complètement trivial, mais en réalité personne ne le remarque. On fait des tas de choses sur les successions des éditions, sur les remaniements du texte, sur l'intervention des autres travaux. Seul, à ma connaissance, Andreas Mayer et Julia Marinelli ont travaillé sur ce que c'est que le fait social de la constitution d'un public de lecteurs, d'abord viennois, puis germanophones, puis internationaux de la Traumdeutung, de la question des traductions. Hein. Et avec ce phénomène quand même extrêmement singulier, c'est que la Traumdeutung va provoquer de nouveaux types de rêves. Ça, c'est pas un fait qui est propre à la Traumdeutung, je vous en dirai un mot tout à l'heure, mais il y a des rêves qui sont faits parce que les gens ont lu la Traumdeutung. Hein. C'est quand même aussi quelque chose de tout à fait particulier. Ce rêve, dans les éditions successives, va de plus en plus être le rêve des patients dans leur cure. C'est-à-dire que quand vous faites un rapport entre les rêves qui sont les rêves de Freud, qui quand même sont des rêves d'auto-analyse, la part des rêves d'auto-analyse reste extrêmement importante, mais il y avait des rêves qui n'étaient pas des rêves d'analyse, qui étaient des rêves de gens qui lisaient des... Il avait trouvé des rêves, des récits de rêves. De plus en plus, il va y avoir les rêves de ses propres patients. Et de plus en plus, dès la deuxième édition, des rêves de ses propres patients qui connaissent la théorie freudienne du rêve et qui rêvent en contestant, hein, en apportant un rêve qui ne veillit pas aux critères freudiens, etc. Autrement dit, le déplacement qui se fait, c'est de l'analyse d'un fait assez brut, le fait du statut du rêve, du statut neuropathologique du rêve, ou psychologique du rêve, au rêve dans le contexte de la cure. Alors, c'est extrêmement différent des études qui vont se poursuivre, enfin qui ont commencé très tardivement après, qui ont travaillé dans les années 50, sur une autre problématique du rêve qui a probablement pas vraiment d'ailleurs pris dans le langage commun, mais qui est un questionnement que vous trouvez régulièrement invoqué aujourd'hui, qui est le statut du rêve comme phénomène entre guillemets psychologique, parce que ça dépend des animaux dont on parle, dans une psychophysiologie du sommeil, avec une question qui est une question qui intéresse au premier chef la théorie de l'évolution, qui est la question de savoir pourquoi certains animaux rêvent. Quelle est la fonction du rêve, la fonction du sommeil et la fonction du rêve. Bon. Cette question est une question extrêmement ancienne, qui renoue d'ailleurs avec des questions d'Aristote sur la nature du rêve. Pourquoi il y a des animaux qui apparemment rêvent, hein, les mammifères. Il semble qu'il faille être un mammifère à 100 chevaux pour rêver. C'est quelque chose de tout à fait... Non, mais c'est pour ça que c'est une question évolutionnaire tout à fait particulière. Il y a vraiment une question de ces choses-là. Or, très souvent, on oublie, parce qu'il y a tout un autre savoir que le savoir psychanalytique sur le rêve qui s'est développé, on oublie que le contexte à l'intérieur duquel la théorie freudienne du rêve s'est forgée était une théorie qui, assez curieusement, ne s'intéressait pas, chez Freud, à ces questions de psychophysiologie du sommeil. Il ne les ignore pas absolument. Il y avait des gens qui se posaient la question du rapport entre le sommeil et les rêves, mais un grand darwinien, un biologiste formé à la physiologie allemande, comme l'a été Freud, ne s'intéresse pas, curieusement, à la fonction évolutionnaire du sommeil et du rêve. Et alors ce que je vais essayer de faire dans les séances qui vont venir, c'est de la question du rêve comme Freud en circonscrit le concept à l'intérieur d'une cure, de plus en plus à l'intérieur d'une cure, c'est-à-dire de la relation du rêve aux symptômes. C'est pas absolument clair au départ, puisqu'il y a, en tout cas dans les premières éditions, il insiste beaucoup sur l'idée que le rêve est quelque chose de détachable des symptômes. Je vais revenir sur ce point. Que ce n'est pas un micro-symptôme ou un symptôme à minima. Et puis à mesure que les éditions se succèdent, il me semble que de plus en plus les rêves qu'il cite étant des rêves de patients, ce sont des rêves qui sont de plus en plus étroitement liés à la symptomatologie. Et ça a des conséquences tout à fait remarquables. Donc la difficulté qui est la nôtre, c'est d'essayer de se replacer dans le contexte de la phrase, cette phrase-là, n'est-ce pas ? En tentant d'exposer l'interprétation du rêve, je ne pense pas avoir débordé le périmètre des questions qui intéressent la neuropathologie. Okay. Là, cette première phrase me semble devoir vraiment nous arrêter tout de suite. Freud parle à un public extrêmement spécialisé, qui n'est pas le public de la psychanalyse ou des premiers groupes de psychanalystes. Et il se situe dans le cadre de l'élaboration d'une psychologie scientifique au sens des sciences naturelles telle qu'elle est recevable par l'auditoire médical qu'il vise, celui de psychologues imprégnés de matérialisme darwinien en particulier. Et que c'est très doucement que le déplacement va se faire. Et le déplacement, il se fait dans la deuxième édition, qui est au fond celle que tout le monde considère comme si c'était la première, celle où Freud parle du choc subjectif, en quoi a consisté la dimension subjective de la mort de son père, d'une part, et où, dans cette deuxième édition, il y a une assimilation et une conceptualisation de la notion de transfert, qui était certainement opératoire en 1900, il n'était pas du tout ignorant qu'il y avait des transferts, etc., mais qui dans la deuxième édition est nommé au singulier, il y a du transfert. Hein, je rappelle, c'est dans l'homme aura que le transfert est nommé pour la première fois au singulier, je crois. Hein. Oui, je suis même à peu près sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que cette psychologie? Qu'est-ce que c'est que le public auquel il s'adresse? C'est un public de neuropathologues. Or, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur ce public-là, à Vienne, et dans le public des médecins psychiatres, des grands psychologues de langue allemande, dont Forel, en Suisse, qui évidemment parlait parfaitement l'allemand, et puis les gens qui vont le lire à Heidelberg, à Berlin, etc. Eh bien, ce que nous ont appris Mayer et Marinelli, c'est qu'il y avait une sorte de double discours extrêmement banal sur l'analyse des rêves. Il y avait d'abord l'idée très répandue que le rêve était une porte d'entrée absolument essentielle mais difficile à maîtriser sur la vie psychique. Les lecteurs, les contemporains de Janet, qui publient dans la revue philosophique, qui est à l'époque la plus grande revue de philosophie au monde, et que lit Freud, il la lit régulièrement, il lit toutes les livraisons qui sont arrivées. Vous ouvrez tous les numéros entre 1880 et 1900, c'est extrêmement rare quand il n'y a pas un travail ou mention d'un travail particulier sur le rêve. C'est vraiment un objet de la psychophilosophie du temps, qui est un objet essentiellement philosophique, le rêve. Il y a très peu de théories qui revendiquent d'être de la psychologie scientifique, parce qu'au fond, d'ailleurs, c'est lié à quelque chose de très important, c'est que la psychologie, elle ne peut être scientifique qu'en Allemagne, où elle s'intéresse essentiellement à des questions qui tournent autour de l'attention, de la vie de la conscience, et en France, elle est extrêmement philosophique. Et la deuxième chose qui est moins connue, c'est que la description de ses propres rêves et la tentative de l'interpréter est une pratique sociale extrêmement répandue. Au point, si vous le lisez, c'est absolument comique, que en 1900, pour Noël, Alexander, le frère de Freud, c'est pour le jour de l'an, écrit une parodie de la Traumdeutung, qu'il dédie à son frère, dans lequel il présente une autre interprétation, c'est-à-dire que la lecture des rêves est un jeu de salon, dans lequel, effectivement, toute la famille a lu, dit Traumdeutung, les enfants compris, se reconnaissant dans tel ou tel rêve, etc., et disant ce que papa Freud avait écrit sur les uns et sur les autres, et donc son frère, dans un langage pseudo-scientifique bouffonnant, a écrit ce texte qu'a retrouvé Livia Marinelli, qui était l'archiviste qui est décédée des archives de Freud, qu'elle a retrouvé et qu'elle a publié dans ce texte. Et où on voit très bien qu'ils ne sont pas du tout dupes de qui ils sont et de ce que leur dit aux frères, parce qu'ils sont très présents dans le. Vous vous rappelez des rêves, des histoires de jalousie, de petites jalousies, de grandes jalousies, de rivalité, etc. Ils ne sont pas du tout dupes. Et Alexander fait donc ce montage-là. En fait, on dispose de documents rigoureusement analogues chez Forel et chez la quasi-totalité des psychologues et des psychiatres allemands du temps. Et Jacqueline Carroix, dans « Nuit savante », qui vient d'être publiée, fait un inventaire et un parcours exhaustif en France et en Suisse, dans un parcours francophone, dans lequel vous vous apercevez que dit Traumdeutung, c'est absolument pas l'espèce de rupture invraisemblable d'aérolithe tombé dans ses os, etc. Il s'inscrit dans tout un paysage culturel entre la discussion savante de nature philosophique et la discussion, le jeu de salon, l'activité sociale particulière. Un des points sur lequel j'attire votre attention, c'est que le terme de Traumdeutung est d'origine totalement mystérieuse. Chaque fois que Freud parle de ce livre, c'est dit Traumbuch, c'est le livre du rêve. Jamais de la plume de Freud, on a trouvé ni une lettre ni un texte imprimé dans lequel il utilise dit Traumdeutung avant la parution. Et Andreas Mayer me disait que, à son avis, c'est l'éditeur qui a proposé le titre. C'est l'éditeur qui a flairé le coup et qui s'est dit, avec ce titre-là, ça va se vendre comme des petits pains. Ce qui n'a pas été le cas. Enfin, il n'y aura pas tout de suite. C'est une très bonne affaire pour Fischer, mais pas tout de suite. Le texte, le livre lui-même, Traumdeutung, le titre, ne semble pas être de l'origine de la main de Freud. C'est pas exclu, mais vraisemblablement pas. Alors je reviens sur cette première phrase pour essayer d'en partir, enfin deuxième phrase, pour essayer de problématiser les choses, en travaillant maintenant sur le mot sur Glied, que Jean-Pierre Lefebvre a tout à fait bien repéré et qu'il commente en note de ce premier paragraphe. C'est qu'en fait, et ça, c'est ce qui est engagé là, c'est toute l'épistémologie du rapport au rêve, au reste de la psychopathologie et de la neuropathologie. C'est, en fait, c'est le même mot. Hein. Nous, on a l'impression que c'est que neuro... Dans ce, ça, c'est comme nous, on parle de neurosciences. Absolument pas. Hein. Le neuro de neuropathologie ici désigne aussi bien les phénomènes psy que les phénomènes neuro. La division qui nous est si sensible aujourd'hui est largement postérieure, au moins après les années 20, dans la langue allemande, dans la langue savante allemande. Ici, un neuropathologue, là, c'est juste un médecin qui travaille sur les nerfs. Hein. C'est pas du tout une... Et les maladies de nerfs, ça peut être aussi bien la neurasthénie que les névrites, les polynévrites infectieuses ou Dieu sait quoi. Hein. Alors, c'est le mot glied. Donc glied veut dire soit le membre organique hein, d'un tout articulé, soit le chaînon. Évidemment, la différence entre le membre d'une totalité articulée, c'est que les membres du corps ne peuvent pas exister, sont individualisables formellement, mais ils ne peuvent pas exister les uns sans les autres, tandis que le chaînon d'une chaîne peut être détaché tout en gardant son individualité et son autosuffisance. Ce qui pose, dans l'ambiguïté même du problème, quelque chose qui va diffuser à l'intérieur de la Traumdeutung et constituer un problème qui n'est jamais clos, qui n'est jamais refermé, c'est que vous êtes devant une alternative. Soit on se place dans la perspective du rêve comme étant un élément d'un tout organique qui est constitué donc de la phobie hystérique, des pensées délirantes et des pensées de contrainte. Et dans ce cas, les obsessions, les pensées délirantes ou les phobies vont avoir quelque chose d'intrinsèquement onirique qui va subsister. Il y a une qualité qui se répand hein, du rêve sur les autres termes de la série. C'est assez évident avec la névrose obsessionnelle, puisque les patients, très souvent, décrivent leur expérience de l'obsession comme celle d'un cauchemar les yeux ouverts, quelque chose où on n'arrive pas à se réveiller, hein, mais dans lequel la présence de l'obsession, frisant d'ailleurs l'image hein, dans l'aimantisme visuel, bien souvent, hein, dans certaines obsessions, on voit des images se surimposer, des images meurtrières, agressives ou sexuelles se surimposer au réel, la qualité de ces images-là a une densité quasi onirique. De même, dans les phobies, hein, la proximité avec le cauchemar est assez claire. En revanche, certaines hallucinations psychotiques peuvent bien être visuelles, psychotiques ou des hallucinations toxiques, hein, des grandes hallucinoses, type verniqueux ou des choses comme ça. Les hallucinoses alcooliques, par exemple, sont notoirement connues, les déliriums très minces en particulier, pour être accompagnées de phénomènes visuels qui relève du cauchemar les yeux ouverts le plus effrayant, mais c'est avec des grouillements d'insectes, de rats, de choses de ce genre, où les gens ont effectivement les yeux exorbités, c'est comme des yeux des enfants qui font un pavor nocturnus. Mais il y a quand même toutes sortes de représentations délirantes hein, de Wandsvorstellung dans lesquelles la qualité onirique n'est pas du tout claire. Les hallucinations acoustico-verbales, par exemple, bon, personnellement, mais je pense que c'est un avis que vous rendez en danger, je n'ai pas souvent vu, ou même je n'ai jamais vu de gens décrire ça comme étant des phénomènes ressemblant en aucune manière à quoi que ce soit comme un rêve, hein, l'hallucination acoustico-verbale. Non, ce n'est pas quelque chose qui évoque le rêve. En tout cas, vous avez une première façon de comprendre cette série, avec une présence quasi organique du rêve qui se diffuse dans certains phénomènes de ce type-là jusqu'aux hallucinations. Alors, même si aujourd'hui on en voit moins, ou on en voit moins en tout cas dans le public habituel qui fréquente les divans des psychanalystes, n'oubliez pas qu'une des manifestations de l'hystérie extrêmement sévère, c'est l'hallucination visuelle, qui est une hallucination qui a d'ailleurs des caractéristiques phénoménologiques qu'il ne faut jamais négliger. C'est que l'hallucination visuelle dans l'hystérie est décrite classiquement comme se produisant dans l'espace partagé. Ça n'est pas quelque chose qui fait un trou dans l'espace ou dans le temps. C'est quelque chose qui se produit dans l'espace commun. Tout d'un coup, on voit un mort, là, assis sur la chaise, à côté de soi, assis sur la chaise, dont les formes respectent le dessin de la table, etc. C'est qu'il est localisé dans l'espace commun. Les grandes hallucinations hystériques, bon, qu'on voit quand même assez rarement, aujourd'hui, enfin, sauf voilà, il y a des populations déshéritées, on en observe beaucoup quand même encore, étaient relativement banales et tout à fait bien connues et bien décrites par les psychiatres de l'époque. Et elles sont vraiment visuelles. Je dirais que même d'ailleurs les hallucinations auditives qui existent dans l'hystérie ont également cette propriété phénoménologique très importante de se déclencher dans l'espace même où vit le patient. C'est jamais la fameuse hallucination qui vient, où c'est les gens du dessus ou ceux qui habitent de l'autre côté du mur, n'est-ce pas, ou de l'autre côté de la pièce, avec ce phénomène gaguesque, n'est-ce pas, des gens qui changent de pièce, qui manquent de bol, et c'est au moment où ils ont changé de pièce, la voix vient toujours de l'autre côté du mur, mais de la pièce qu'ils viennent de quitter. Ça, c'est, y a pas ces phénomènes de cloisonnement, d'éclatement de l'espace dans l'hallucination auditive hystérique. C'est des gens qui prennent leur douche et puis ils entendent une voix derrière eux. Ils ont l'impression, en se retournant, de voir le lieu où ça, d'où la voix parle. C'est très important, quand on a affaire, par exemple, à des gens qui ne partagent pas votre culture, de s'appuyer souvent sur des critères de discrimination de ce genre pour bien identifier quelle est la qualité spécifique de l'hallucination, de façon à ne pas prendre des mesures gravissimes, de médicaments, etc., ou d'internement, avec des gens qui font juste un épisode extrêmement aigu sous l'empire d'un truc traumatique ou d'une situation de crise. Je ferme cette petite parenthèse et je me mets maintenant dans la perspective, l'autre question, de traduire Glide par chaînon, par maillon dans une chaîne. En ce cas, le rêve a une autosuffisance propre. Le rêve n'est pas le degré zéro du symptôme. Le rêve peut être totalement non symptomatique, il est détachable du reste des éléments de la série. Et il y a des occurrences, jusque dans les dernières éditions, où, effectivement, quand il utilise le mot rêve, on ne sait pas s'il lui donne la valeur conceptuelle, il semble bien qu'il lui donne la valeur conceptuelle du maillon, c'est-à-dire de quelque chose qui vaut par soi. On n'a pas besoin d'être névrosé pour rêver. Et le rêve n'est pas un des éléments qui composent une névrose. Cette idée du micro-symptôme ou du symptôme à minima est très difficile à penser. Alors évidemment, chez Bion, comme vous le savez déjà pour ceux qui l'ont lu, mais puis que je reviendrai là-dessus, chez Bion, tout rêve est en soi déjà une épreuve psychopathologique. Tout rêve. Puisqu'il lui arrive d'affirmer très clairement que si on était en parfaite santé, on ne devrait pas rêver. Si on n'était pas exposé constamment à des agressions sur l'écran alpha, si on n'était pas obligé d'alphabétiser ce qui nous attaque, comme il le dit quelquefois, on ne rêverait pas. Et le rêve est quelque chose comme un produit d'évacuation, entre de très nombreuses descriptions bioniennes. Il n'en reste pas moins qu'il y a dans la trame de tout plein d'endroits où le rêve n'est pas un symptôme zéro, et juste un phénomène particulier, indépendant et qualitativement hétérogène à la série des symptômes psychopathologiques. Alors, quels peuvent être les liens de ce maillon avec les autres maillons de la chaîne ? Eh bien, c'est les Sansvorstellungen, les Wahnsvorstellungen, et là, et l'hystérie, c'est quelque chose qui ne peut être que des mécanismes communs. C'est-à-dire que ce qui lie ensemble ces maillons, ce n'est pas du tout une qualité particulière oniroïde répandue sur tous ces phénomènes, ce sont des mécanismes communs, ce sont des opérations de l'inconscient qui se répètent à l'identique dans le rêve, dans la phobie, dans la représentation obsédante et dans la représentation délirante. La grande difficulté, c'est de penser que ces opérations sont essentiellement homologues. C'est pour ça qu'il y a un chaînon, hein, que c'est vraiment un chaînon dans une chaîne. Les mêmes doivent s'observer et se retrouver dans le rêve, dans l'obsession, etc. Bon. Et c'est cette homologie qui, dans la première topique, constitue le champ formel de l'inconscient. C'est grâce à cette homologie qu'est constitué le champ formel de l'inconscient. Avec, en texte parallèle, mais dont on va se saisir à Lacan, les opérations qui permettent la fabrication du trait d'esprit, donc qui vont être une nouvelle série. Je rappelle que la différence fondamentale entre la première et la deuxième topique, c'est que dans la première topique, les pulsions ne font pas partie de l'appareil psychique. L'appareil psychique, c'est ce qui traite les pulsions. C'est dans la deuxième topique que le « ça » est une des instances de l'appareil psychique, où les pulsions rentrent à l'intérieur de l'appareil et font de cet appareil quelque chose qui est donc intrinsèquement dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'il ne saurait y avoir dans la deuxième topique que des sortes d'équilibres qui sont fondamentalement négociés dans des rapports de force changeants et jamais garantis a priori. En revanche, dans la première topique, il y a bien l'idée d'un appareil psychique avec un inconscient, entre inconscient et inconscient, qui traite les pulsions et qui est donc susceptible de subir des dommages et des dysfonctionnements qui lui sont propres en tant qu'appareil, indépendamment des pulsions qu'il est en train de traiter. Tandis que dans la deuxième topique, il ne saurait y avoir de dysfonctionnement propre à l'appareil, puisque les pulsions, ils sont déjà dedans, ils sont déjà une instance de dysfonctionnement. Et donc la négociation très subtile que fait Freud avec ses lecteurs, c'est de leur proposer, dans ce qui va être la première topique, hein, le chapitre 7, le chapitre final de la Traumdeutung, c'est de leur donner les moyens de penser une logique commune des effets entre le rêve, la phobie hystérique, la représentation obsessionnelle et la représentation délirante. L'héritier de cette idée selon laquelle le rêve est un maillon, et qu'on peut même d'ailleurs ajouter un maillon supplémentaire qui est le vitz, et que donc ce qu'on doit apprendre de la Traumdeutung, c'est cette logique commune des effets, c'est Lacan. C'est clairement Lacan, puisque c'est Lacan qui va mettre l'accent fondamentalement sur cette logique commune des effets, en disant qu'on reconnaît dans la Traumdeutung les mêmes opérations que celles qu'on retrouve dans le vitz, qu'on retrouve dans la névrose obsessionnelle, l'hystérie, etc. Donc, ce qui intéresse Lacan, ce sont les opérations qui constituent le champ de l'inconscient, la métonymie et la métaphore, donc le déplacement et la condensation. Et que ces opérations, d'ailleurs, sont essentiellement mises sous le signe de la dimension verbale. Par exemple, quand Lacan parle de la condensation, il ne retient comme mot dans le texte original de Freud pour condensation que Verdichtung. Or, vous savez qu'il y a aussi compression. Verdichtung, même d'ailleurs, je crois même pas majoritaire. Mais parce que quand dans Dichtung, il y a évidemment Verdichtung, il y a Dichtung. Et donc toute la dimension de malaxage de l'image et du sens qui est impliquée dans la mécanique pas du tout politique de la compression, hein, est laissé de côté. D'ailleurs, Lacan, à la différence de beaucoup de gens qui l'ont eu après, ne s'en cache pas. Il dit qu'il sélectionne, hein, dans la Traumdeutung, certains passages, etc. Celui qui va, et c'est un peu, ce sera ma piste, celui qui va au contraire exploiter la qualité onirique qui est répandue par le rêve et qui nous permet d'accéder à quelque chose de ce qui se vit dans la phobie hystérique, dans la représentation obsessionnelle, etc., et qui va traiter au fond la représentation obsessionnelle ou la représentation délirante comme de quasi-rêve, chose auquel on peut avoir par ce biais-là, c'est tout ce courant qui est, je crois, ultimement repensé ou synthétisé ou poussé à son degré de systématicité le plus élevé par Bion, avec le concept de rêverie, l'analyse du rêve, la réorganisation totale de la psychanalyse autour de la notion de rêve, d'une relecture complète de la Traumdeutung, avec une inversion de certaines de ses valeurs, et le dégagement du concept de rêverie. Et bien sûr, dans tout ce courant-là, d'un freudisme totalement non lacanien, ce sont assez logiquement les opérations les moins logicisables, entre guillemets, qui sont retenues comme absolument caractéristiques du travail du rêve. Alors bien sûr, on va parler de la condensation et du déplacement, hein, ça fait aucun doute, mais on va aussi tenir compte de la Darstellbarkeit, hein, c'est-à-dire de la figurabilité, c'est-à-dire comment le rêve arrive à produire de l'image, à faire une genèse de l'image à partir des stimuli. Que Lacan, la Darstellbarkeit, hein, qui est un des, avec la réécriture secondaire, mais là, ça s'appelle le mot me manque. Dans le chapitre 5, il faut que je le retrouve. Là, l'élaboration secondaire, voilà, c'est ça. L'élaboration secondaire qui est le truc auquel personne ne s'est jamais intéressé et à tort, parce que c'est à mon avis, en fait, le seul truc qu'il faut vraiment lire, c'est l'élaboration secondaire. Mais les gens qui s'intéressent aux rêves, et dans la perspective de cette notion d'image, Lacan traduisait la Darstellbarkeit par les égards dus à la mise en scène. Ce qui est, je trouve, une traduction géniale et extrêmement cohérente avec le fait qu'il y a bien une pièce de théâtre avec un texte. Et il faut quand même que la pièce de théâtre, le texte, avec tous ses personnages et son discours, soit mis en scène. Donc il y a des égards dus à la mise en scène. Tandis que Darstellbarkeit va être pris à l'autre bout comme une question absolument fondamentale de la fabrique psychique de l'image. De la fabrique psychique de l'image, de l'obsession, de la phobie, du délire, etc. La construction de ce dispositif. Partout où Lacan a travaillé sur les images, hein, que ce soit sur le blason de la phobie ou des choses comme ça, oui, il y a toujours chez Lacan l'idée que l'image est quelque chose qui est en réalité une sorte de texte, d'armoirie, de choses symboliques qui ne tient que par le discours qu'il articule. Tout au contraire, dans les traditions non lacaniennes, et Bion en est un exemple absolument caractéristique, cet imaginaire ou cette imagination-là est valorisée en tant que telle. Elle est valorisée aussi pour une raison qui a trait à la nature du transfert qui est impliquée dans l'identification de ses propriétés du rêve. C'est que dès le moment où vous considérez que quand vous écoutez le récit du rêve de quelqu'un ou d'un symptôme obsessionnel, vous pouvez avoir par votre propre expérience du cauchemar une intuition de ce que c'est pour l'autre être pris dans dans l'obsession, par exemple. Vous avez les conditions factuelles de l'empathie qui sont là, c'est-à-dire d'une représentation dans lequel le fait qu'un patient vous fasse cauchemarder ou fasse rêver cesse d'être un accident de parcours. Ça devient un élément absolument essentiel, puisque il y a une continuité imaginaire, psychique, qui est liée à l'expérience qualitative du vécu de l'autre à partir de notre propre vécu. Si, bien sûr, le rêve est un membre de cette série co-articulée de tous ces éléments. Donc là, je voulais commencer par ce point, parce que c'est le point de départ, c'est la première phrase, premier paragraphe de l'édition 2900. Quels sont, je répète ma question, parce que j'essaierai d'y répondre, quelles sont les raisons qu'on a de croire ça ? Voilà. C'est une question qui n'est pas une question qui se pose de l'intérieur de la psychanalyse, c'est une question qui se pose pour rentrer dans la psychanalyse. Et je vais revenir tout à l'heure là-dessus, on oublie que la fonction de la trame d'Oidoug, c'est une fonction de seuil. C'est une fonction peut-être de voie royale, mais en tout cas, cette voie royale, son point de départ, il est chez le non-psychanalyste. Il est chez celui qui ne connaît pas la psychanalyse. Il est en 1900 chez le neuropathologue. Il est aussi chez les gens qui vont rigoler parce qu'ils connaissent très bien tous ces Français qui écrivent sur les rêves. Et ils jouent eux-mêmes à se raconter des rêves. C'est-à-dire le public et la clientèle de potentiel de Freud qui jouent à ce genre de jeu. Et ces gens-là ne sont pas des psychanalystes. Et donc c'est extrêmement important de ne pas lire la trame de Jung à partir de la psychanalyse déjà faite, mais de lui laisser son statut de liminaire, de point d'entrée. Et là, la question se pose de savoir, non pas selon des raisons psychanalytiques, mais selon des raisons communes, si ce que dit Freud est convaincant ou pas. Ça, c'était donc la première partie de l'introduction. La deuxième partie de l'introduction est la suivante. Je voudrais m'en prendre à un trait particulier, une façon particulière justement de lire la trame de Jung, qui est admirablement mise en forme par Konrad Stein dans un texte posthume qui s'appelle « Le monde du rêve et le monde des enfants ». Konrad Stein, que j'ai connu à la fin, j'étais en contrôle avec lui encore, il est mort, que vous savez, c'est... Il est mort il n'y a pas extrêmement longtemps, 2-3 ans, je crois. 2 ans, c'est ça. Konrad Stein a passé une vingtaine d'années à commenter dans les moindres détails de son séminaire. Et il était d'ailleurs à SPP pendant très longtemps. Son séminaire porté là-dessus était un séminaire d'introduction, la trame de tout. Et il emploie un procédé dont je vais vous dire pourquoi je le récuse absolument. Ce procédé consiste à faire ceci. C'est que comme c'est un connaisseur, évidemment, c'est vertigineux, hein, c'est une connaissance ponctuelle du moindre détail, du rêve, quand vous avez passé 20 ans là-dedans, bon. Et donc, bien sûr, il a repéré dans la trame d'Oitung toutes sortes de choses qu'il juge être des incohérences, voire des contradictions à l'intérieur de la théorie freudienne du rêve. Mais il résout ou il explique ces contradictions et ces incohérences de la théorie freudienne du rêve par la théorie même du rêve. C'est-à-dire, il les explique comme des lapsus, des refoulements, des déplacements de représentation, des substitutions, etc. Comme si c'était en quelque sorte des lapsus d'ordre théorique ou bien des symptômes même de Freud qui pourraient être expliqués par la théorie du rêve. Alors il me semble que de deux choses l'une, ou bien la théorie est fausse, incohérente, et on ne peut pas la réparer en s'en servant. Alors, si elle est fausse, on ne peut pas l'utiliser pour en réparer, pour la réparer elle-même. Ou bien alors elle est correcte, et les prétendues incohérences que détecte Freud n'ont aucune valeur significative. Aucune. Ils ne peuvent pas en avoir. Et surtout pas celle des sortes d'être cette chose extraordinaire qui est l'erreur qui confirme. Parce que c'est exactement comme ça qu'on traite Freud est traité. Ça. Quand il se trompe, ça ne fait que confirmer sa théorie, parce qu'on peut expliquer qu'il se trompe en utilisant la théorie de la psychanalyse pour expliquer comment ça. Alors pourquoi Amour Alstein en vient à cet extrême? C'est parce qu'il ne cesse de répéter qu'il ne veut pas d'une lecture universitaire de la trame d'Oitung. Il voudrait que la lecture de la trame d'Oitung soit une lecture psychanalytique, de psychanalyste et pour psychanalyste. Et que donc, effectivement, si vous n'êtes pas dans la psychanalyse, vous ne pouvez ni comprendre pourquoi il y a des incohérences et où elles sont, ni pourquoi la théorie psychanalytique répare, permet de comprendre ces incohérences et de maintenir la théorie psychanalytique au milieu même de ses propres incohérences. Pour ça, il faut être dans l'espace de la psychanalyse. Première réponse à ça, c'est, comme j'insiste beaucoup, c'est nier la fonction de seuil de la trame d'Oitung, que c'est vraiment un texte de passage de l'extérieur à l'intérieur. C'est quelque chose qui a très concrètement formé les psychanalystes quand vous lisez le journal clinique de Ferenczi ou quand vous lisez quantité de textes de ces Allemands, de ces gens de la Mitteleuropa des années 20-30, c'est en analysant leurs rêves avec l'interprétation du rêve qu'ils sont devenus psychanalystes. C'était véritablement, et d'où l'enjeu que représente la traduction de la trame d'Oitung, ce par quoi on entrait dans la psychanalyse, en apprenant à interpréter ses rêves. Pendant extrêmement longtemps, les analyses didactiques pratiquées à Berlin consistaient fondamentalement à une trentaine de séances à tout casser dans lesquelles les gens, on les faisait réfléchir sur leur père, leur mère, leur sexualité pour qu'ils aient une petite idée de ce que c'était que l'Oedipe, et on leur faisait bosser la trame d'Oitung et l'interprétation du rêve. Et ça servait de viatique à former les psychanalystes. Cette fonction de seuil montre bien que le lecteur n'est justement pas le psychanalyste. Ça ne peut pas être l'objet d'une lecture intra-psychanalytique. La deuxième chose, c'est que, comme toujours, quand on dénonce les lectures universitaires, en fait, comme presque toujours, on dénonce les lectures scientifiques, hein, les lectures critiques, les lectures qui établissent clairement de quoi il s'agit, si ça tient la route ou pas. C'est-à-dire, c'est reculer devant la mise en évidence critique des raisons qu'on a ou pas de croire ce que raconte Freud dans cette histoire. Et d'ailleurs, y croire ne suffit pas, on ne cherche pas à déclencher un effet de croyance, comme ça, causer une foi. Hein. On cherche à donner des raisons objectives que le texte, ce qui est dit dans le texte, tienne la route ou pas. Et c'est pourquoi, dans quand j'avais fait mon bouquin sur la question, j'avais sous-titré mon commentaire « Une philosophie de l'esprit inconscient », c'est qu'il y a extrêmement clairement dans ce texte-là une ambition de rivaliser avec les grands traités de la tradition philosophique sur l'esprit, hein, que ce soit chez Locke, que ce soit chez Hume, chez Nietzsche, etc. Et personne ne s'y trompera. Dans les remarques sur la philosophie de la psychologie, Wittgenstein prend tout à fait au sérieux un certain nombre d'analyses de Freud, et notamment celles qui portent sur le rêve. Et Gilles Dallès viendra, je ne sais pas, en mars ou en février, je ne me rappelle plus, faire ici une présentation où il montrera ce que c'est que l'analyse Wittgensteinienne du rêve, développée par un de ses élèves, qui s'appelle Norman Malcolm, dans un texte qui s'appelle Dreaming, qui est une étude tout à fait conceptuelle de la consistance de ce que Freud appelle le rêve. Freud et aussi Descartes, il y a une pensée extrêmement profonde de Malcolm sur l'argument du rêve chez Descartes. Autrement dit, Freud s'inscrit dans un paysage de grands traités sur l'esprit humain qui, depuis Locke, hein, qui en est, si j'ose dire, l'initiateur, étend progressivement la sphère de ce qui est mental, de la conscience, vers la vie affective. Et là, se situant dans cet espace-là, il revendique une crédibilité objective et rationnelle de ses analyses, dont il ne faut pas du tout le priver. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui, avant de passer à l'exposition dans le chapitre 7 de l'appareil psychique que nous connaissons tous, se livre à un recensement quasi exhaustif de la littérature philosophique de son temps sur le rêve, au point qu'il faut aller lire chacun des... Enfin, c'est une chose que j'avais faite il y a 15 ans, je manquais pas de courage, je crois, le lire. Il y a 50 auteurs, dont d'ailleurs Jacqueline Carroix vous racontera assez précisément dans Nuit savante de quoi elle parlait, il se situe dans ce débat philosophique et il est lu pour ça. Et va d'ailleurs être recensé, pour cette raison, situé dans ce paysage-là. La troisième raison pour laquelle j'insiste sur cette dimension de raison objective et de justification, c'est que ce n'est pas du tout pour opposer la psychanalyse une sorte de contre-spécialité philosophique, c'est pour rappeler, contre l'auto-construction du ghetto psychanalytique, que les psychanalyses relèvent de la raison commune. Elles relèvent absolument de la raison commune. La moindre infraction à cette règle aboutit à l'horreur, c'est-à-dire transformer la psychanalyse en un rituel initiatique. Si peu que vous cédiez sur l'idée que tout ce que nous faisons, tout ce que nous racontons est justifiable en raison, immédiatement vous transformez la psychanalyse en une initiation, quelque chose qui suppose un gradus mystique. L'introduction à des vérités profondément mystérieuses, profondément cachées, l'enreligieusement du rapport à l'inconscient. C'est difficile, je sais bien, de maintenir ce truc-là, tellement aujourd'hui, des mots comme science ou raison sont devenus des choses épouvantables. Bon. Mais d'abord, ça n'était évidemment pas pour Freud, hein, bien au contraire, mais il y a cette dimension de raison commune. Autrement dit, si on ne peut pas justifier sur le plan de la raison commune ce qu'on fait en psychanalyse, si on ne peut pas rendre compte de ce qu'on fait dans ces psychanalyses, nous ne faisons rien d'autre que des rituels initiatiques. Et même si ces rituels initiatiques se drapent dans le déni, hein, en disant « c'est pas de la religion, c'est de la psychanalyse ». Et donc, on est bien obligé, pour éviter le sophisme de Konrad Stein, de dire de quelle partie de la théorie on se sert pour critiquer ou pour justifier telle autre qui paraît moins bien construite. On est obligé d'aller au-delà du texte simplement écrit, de penser les concepts et non simplement les termes ou les énoncés dans leur littéralité immédiate, de penser les concepts si on veut se donner les moyens de comprendre de quoi le texte est fait. Et c'est cette lecture conceptuelle qui n'est jamais faite. Elle n'est jamais faite, je peux le dire encore aujourd'hui, il suffit de lire. Dans mon bouquin, j'indique des endroits où on voit très bien qu'il faut corriger le texte littéral en s'appuyant sur une compréhension conceptuelle de ce que dit Freud. Les traductions collent littéralement et reproduisent le mystère du texte original. J'en donnerai éventuellement des analyses. Et pourquoi est-ce que c'est important de penser ceci en termes de concept et de ne pas fétichiser justement la lettre? Parce que si on dispose de concepts, on dispose des moyens de concevoir et de juger, de critiquer, d'évaluer les extensions de concepts qui ont été pratiquées dans l'histoire de la psychanalyse. On dispose à ce moment-là d'un moyen d'évaluer, non pas comme une autre mystagogie sur le rêve, ce que raconte Mélanie Klein ou ce que raconte Bion. On peut effectivement se demander si, non pas au niveau de la lettre, mais au niveau de ce qui est rationnellement cohérent dans le texte de Freud, on peut ou non faire ce que Bion propose de faire avec les restes d'urne, avec les images visuelles, etc., etc. On peut, à ce moment-là, si on ne le fait pas, l'histoire de la psychanalyse devient, justement, elle se défait entièrement, elle devient une sorte de succession de visions qui sont entièrement à prendre et à laisser, dans lesquelles on rentre ou on ne rentre pas, mais où il n'y a plus aucune espèce de possibilité, par la raison commune, de comprendre pourquoi on est allé d'un point à un autre. Et que Ce faisant, non seulement ça, on arrive à l'absurdité de ne même plus garder le contact avec le langage ordinaire. Simplement avec le langage ordinaire, c'est le langage des patients. Et de savoir dans quelle mesure la grammaire de ce langage ordinaire des patients exprimant tel ou tel affect, tel ou tel état psychologique, etc., s'intègre ou non dans tel ou tel dispositif pour le comprendre. Et puis, encore bien plus grave peut-être, on perd le sens des contextes scientifiques et sociaux d'élaboration de ces théories successives du rêve. Et il ne sert à rien, contre ce que je vous propose là, de dire qu'en psychanalyse, tout n'est pas rationnel, parce que le fait qu'en psychanalyse, tout ne soit pas rationnel, ce n'est pas une licence pour faire de n'importe quelle irrationalité un gage de qualité psychanalytique. Alors, notamment parce que l'élaboration secondaire, chez Freud, offre une sorte de matrice à la compréhension d'un processus qui est particulièrement présent dans la névrose obsessionnelle, qui est la rationalisation. Bon. La rationalisation qui n'est jamais simplement logique, mais qui est toujours un ressoudage, une recomposition de différents éléments qui sont... Et qui également, c'est un des symptômes bien connus de certaines formes particulières de schizophrénie, qu'on voit moins aujourd'hui à cause des médicaments, mais qui était très connu et qui était très bien décrit, notamment par Minkowski dans les années 30, qui est ce qu'on appelle le rationalisme morbide dans certaines formes de schizophrénie. Ce qui sont ces espèces de capacités à partir de constructions extrêmement lâches, diffuses, etc., de produire une sorte de fausse rationalisation. Il y a toujours eu une critique rationaliste de la rationalisation. Toujours. C'est pas parce qu'on critique la rationalisation qu'on doit sortir de la rationalité. L'exemple typique, c'est le concept d'idéologie chez Marx, hein, le concept d'idéologie qui se définit très simplement chez Marx. C'est un système de rationalisation de l'injustifiable, qui est toujours un système qui est logiquement cohérent, sinon il ne jouerait pas son rôle de justification, mais qui est au service de la conservation d'une inégalité sociale fondamentale. Le type de l'idéologie rationalisante chez Marx, c'est l'économie politique bourgeoise, hein, qui est effectivement une description largement scientifique, il faut lui reconnaître cette qualité, du fonctionnement de l'économie, mais au service du maintien d'une inégalité sociale intrinsèque, hein, qui est celle de la lutte des classes dont parle au contraire Marx. Ce qu'il y a chez Freud, c'est une approche rationaliste des limites de la rationalisation. Et il s'agit de dégager une butée, effectivement réelle. Je ne dis pas du tout que tout est rationnel et que dans la psychanalyse. Il s'agit de découvrir une butée réelle, mais à quelque chose qui ne peut s'atteindre que dans l'exercice de la raison et de la raison commune. Et cette butée réelle, chez Freud, elle n'est pas absolument évidente dans la Traumdeutung. Elle n'est pas directe, hein, elle ne se voit pas, elle se mettra en place bien plus tard. Et je dirais, d'une certaine manière, elle ne se met pas en place de façon explicite et consciente chez Freud avant le mois Elsa, c'est-à-dire largement plus de 20 ans après la composition de ce texte. C'est qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas ramener à la raison et qui font butée réelle. La première, c'est ce qui du sexe ne se raisonne pas. Et en particulier, cette chose extrêmement curieuse, qui est la différence entre les hommes et les femmes, hein, dont on peut très très bien considérer qu'au fond ils partagent la raison, mais enfin c'est probablement la seule chose qu'ils partagent. La jouissance de la vie étant affectée d'un hiatus, un hiatus sexualis, comme dit Guy Le Gouffet, qui fait que si la jouissance de la vie est humaine, aucun des deux sexes ne l'a en entier. Ça, on peut le dire, hein, mais on peut le dire que comme quelque chose qui doit être entendu comme une limite à l'intérieur même du dire. C'est quelque chose qui, si on le positive un petit peu trop, devient délirant. Si ça apparaît, d'ailleurs, je trouve que ce que je dis est délirant, là, déjà. Mais non, mais c'est ça. C'est que si ça apparaît autrement que dans certaines acceptations de la limite des limites que rencontre le dire en tant que le dire est sexué, on déraille. C'est-à-dire qu'on produit quelque chose qui n'a finalement de solution que complètement imaginaire et religieuse. Je ne dis pas mystique parce que je donnerai un autre sens à mystique dans cette année. Puis l'autre but est réel, c'est quand même le paradoxe complètement étrange que quand nous parlons et que nous raisonnons, on fait comme si on ne mourra pas. Or, il y a la mort. Il y a la mort des individus qui est aussi un de ces points de but réel, avec la différence entre les sexes, et qu'une des choses les plus perturbantes que Freud dit, c'est que de la mort, nous n'avons pas de représentation dans l'inconscient. Effectivement des mots, d'ailleurs, pour en parler consciemment, mais nous n'avons pas de représentation dans l'inconscient. Ce qui permet de mettre à la poubelle d'un tour de main tout le discours sur la finitude, c'est pas une perte, parce que ça veut dire justement que le discours sur la finitude essaie de faire comme si on en savait quelque chose vraiment de ce qui est la terminaison de l'existence humaine. Or ça, on peut ratiociner, on peut raisonner, on peut faire toutes sortes d'usages de la raison sur la mort, n'est-ce pas ? Quelque chose y est dérobé. Autrement dit, la limite du rationnel en tant que tel, eh ben, c'est ce au-delà de quoi il devient une rationalisation. Voilà. Mais pour que vous puissiez penser cette rationalisation, il faut que vous soyez allé au bout de quelque chose du rationnel. C'est en ce sens, comme dit Lacan, n'est-ce pas, que le réel et l'impossible sont mis en équivalence. Hein, chez Lacan. Et que une des caractéristiques essentielles de la raison, c'est que lorsqu'elle franchit cette limite, c'est pas tellement qu'elle devient irrationalité, c'est qu'elle devient déraison. C'est ça la déraison. La déraison, ça ressemble absolument à la raison. La raison, c'est la raison qui continue à raisonner au-delà de cette espèce de cassure qui est l'absence de représentation de la mort dans l'inconscient, et la différence des sexes. Et cette déraison-là, elle n'a rien à voir avec une irrationalité ou un échec de la raison. La raison continue. Sauf que la raison continue à développer son mouvement dans un espace qui est absolument distinct de celui qui est proprement humain. Alors, voilà, je me défends donc contre l'idée qu'il n'y a aucun problème à élucider le contenu rationnel de la Traumdeutung dans la mesure où ça amène quelqu'un qui n'est pas dans la psychanalyse, ça l'amène dans l'espace de la psychanalyse. Et ça n'empêche absolument pas de maintenir qu'on peut nommer les limites de cet exercice de la rationalisation, parce que la psychanalyse, elle nous en donne les moyens. C'est lorsque nous rencontrons ces deux choses, de la mort absente comme représentation dans l'inconscient et du caractère impossible pour chacun des sexes à avoir un accès complet à ce que c'est que la jouissance de la vie. La jouissance n'est pas toute. Alors dans mon travail de 95, c'est pour ça que je vous ai distribué ces papiers, comment est-ce que j'ai essayé de reconstituer l'argument ? Tout connement, l'argument, ce que Freud veut dire. C'est que j'avais commencé parce que c'était une des exigences de cette collection qui a malheureusement disparu, qui était une collection d'introduction aux grands textes de la philosophie. On m'avait demandé de faire ça sur la Traumdeutung. J'étais très content de faire ça, ça m'avait beaucoup plu. Et ça commence par un long résumé, un résumé de la Traumdeutung, qui n'est pas du tout, vous verrez, un résumé anodin, parce que c'est un résumé qui déjà essaie de se placer dans le sens du développement d'un argument, d'un raisonnement scientifique qui est tenu dans la Traumdeutung et qui n'est pas fait pour les convaincus, qui est fait pour convaincre. Ce n'est pas un texte qui est publié dans les organes de l'Association psychanalytique internationale. Ce n'est pas comme le mot Elsa. Non, c'est vraiment fait pour présenter une nouvelle. À l'époque, il écrit, Freud, jusque dans les années 1900, Ouais, 10 à peu près. Il écrit dans les journaux scientifiques internationaux. Il écrit dans le dans les grands journaux en allemand. Enfin, il parle à des gens qui ne sont pas. C'est au moment de l'excommunication en 1900, autour de 1910, où vraiment les psychiatres vont rejeter totalement la psychanalyse, que Freud va créer un système de communication complètement hétérogène et faire des associations psychanalytiques des concurrents des associations officielles de médecins et des sociétés scientifiques ordinaires. Et là, il parle à tout. Et donc, dans cet argument, il y a... J'avais décomposé la chose pour faire joli en 7 thèses que j'ai énumérées, où il y a, qui permettent de voir quelles sont les prémices successives qui permettent de conclure dans le chapitre 7 par la construction de l'appareil psychique de la première optique. Alors, ces thèses, ce sont des thèses scientifiques. Sont présentées comme telles, comme des thèses scientifiques, des thèses qui intéressent la neuropathologie. Et c'est pourquoi, en tant que thèses scientifiques, elles ont immédiatement attiré une contestation de nature épistémologique. Immédiatement. Et bien avant, d'ailleurs, les grands débats des Freud Wars, etc., dès le lendemain de la guerre de 14, il y a des textes très percutants contre la logique de Freud. Alors, une critique épistémologique dans un texte de neuropathologie porte électivement sur un objet, un élément dans le raisonnement, c'est la causalité. C'est le lien de causalité. Ce qui est critiqué, c'est le lien causal que Freud fait entre la découverte du sens caché d'un rêve névrotique, la levée du refoulement qui est à la fois le fait que la signification de ce rêve n'est plus, ou la signification cachée ou refoulée n'est plus refoulée, et une sorte de réorganisation psychique, de redistribution d'énergie en particulier, qui serait la conséquence de cette levée du refoulement et qui aboutirait à cet effet bien spécifique qui serait la disparition d'un symptôme. Alors, c'est plutôt cet argument-là, il est développé par des gens qui ont lu plus que la trame d'Oitung. Ils ont lu plus que la trame d'Oitung parce que pour eux, il est clair que ce que dit Freud du rêve, il le dit des symptômes. Et donc, pour eux, le rêve est un symptôme. Le représentant exemplaire de cette lecture-là, c'est celui avec qui j'ai polémiqué longuement à l'époque, qui est, je ne sais pas s'il est toujours vivant, était déjà très âgé, c'est quelqu'un qui s'appelle Adolf Grünbaum, qui a publié des travaux critiques extrêmement connus et importants, et qui était très connu en philosophie de la psychanalyse dans les années 90. Et Adolf Grünbaum traitait effectivement le rêve comme un mini-symptôme, un micro-symptôme. Il n'y avait aucun problème pour lui, c'était un micro-symptôme. Alors, quel est l'argument central de critique de cette épistémologie de cette chose-là, que Grünbaum a systématisé, qui existe sous des formes embryonnaires qu'on trouve à différents endroits, mais qui est chez lui absolument clair, eh bien, c'est un argument qui ne suppose pas simplement de l'épistémologie. Et c'est là où j'explique pourquoi je n'avais sous-titré mon livre « Une philosophie de l'esprit inconscient ». C'est qu'il faut une philosophie de l'esprit, et pas seulement une philosophie des sciences et une analyse critique du lien causal, pour critiquer Freud. En effet, le principe de la réfutation en épistémologie, enfin, il y a plusieurs manières de réfuter une théorie scientifique en épistémologie, mais celle qu'emploie de manière extrêmement spectaculaire, claire et lumineuse Grünbaum, c'est d'enfermer celui qu'on attaque dans un dilemme, en disant que s'il veut A, il ne peut pas avoir B, et s'il veut B, alors il ne peut pas avoir A. Et le dilemme, c'est le suivant, c'est que si vous voulez avoir une interprétation du contenu caché d'un rêve, ce à quoi vous avez accès ne vous permet absolument pas d'expliquer causalement pourquoi un symptôme devrait disparaître une fois que vous avez mis en évidence ce contenu caché. Et que si vous avez un effet causal particulier, alors cet effet causal, il est complètement indépendant de la signification que vous avez donnée à tel ou tel fait inconscient que vous avez connu. Alors, l'idée de Grünbaum, c'est que Freud se revendique de la tradition de l'explication naturaliste, c'est une psychologie scientifique qui explique les phénomènes, qui donc est causale, qui est déterministe, et qui est à la limite prédictive. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, si on dispose d'un certain nombre d'éléments d'explication causale, prédire les effets. Et que sa conception de l'esprit ne peut en aucune manière être une conception de nature téléologique ou intentionnaliste. S'il s'exprime de façon téléologique ou intentionnaliste, dit Grünbaum, c'est une manière de parler. Et c'est une mauvaise manière de parler, dit même Grünbaum. Une manière qu'il ne faut surtout pas valoriser, parce que l'ambition de Freud, c'est d'être un savant naturaliste qui explique la cause des rêves et la cause des symptômes. Et la cause des rêves, c'est le refoulement d'un désir dont la conscience ne veut pas. Alors, l'argument, le cœur de l'argument est très simple, c'est que, en prenant exactement le contre-pied total de Ricoeur, qui est évidemment moqué à longueur de page comme un farceur, je ne sais pas d'ailleurs la partie de Grünbaum que je déteste dans son argument, parce que Grünbaum fait remarquer une chose, c'est qu'un sens intentionnel rendu conscient, surtout une signification comme ça qui est rendue consciente, qui est exhumée par reconstruction ou par interprétation, ne peut rien déclencher de réel. La seule chose qui peut faire une différence dans la réalité, c'est une chose réelle, et non pas une signification ou un sens. Il y a une totale incompatibilité entre l'idée de se servir de la notion de sens et de signification et l'idée d'en faire une explication causale. Autrement dit, les seules intentions qui pourraient expliquer quelque chose, ce sont des intentions qui sont déjà des mouvements en cours de réalisation, ce qu'on appellera dans les sciences cognitives plus tard des intentions en action, des téléologies vivantes qui peuvent être efficaces. Mais alors, évidemment, ces intentions-là, ces mouvements, ces intentions en action ne sont pas l'objet d'une procédure herméneutique de compréhension du sens. S'ils ont un sens, c'est plutôt une direction, si vous voulez, qu'un contenu thématique. C'est pas du tout... Et alors, par exemple, un des arguments tout simples de Grünbaum, c'est que mettez que Freud ait raison, alors il faut boire jusqu'à la lie les conséquences de son raisonnement. Si Freud a raison et que la levée d'un refoulement a l'effet qui est prédit, alors quelqu'un qui était analysé ne devrait plus rêver du tout. Sublata causa, tollitur effectus. Une fois qu'on a enlevé la cause, il n'y a plus l'effet. Or, il n'y a aucune espèce d'indication dans la littérature analytique que les gens cessent de rêver. Là où on s'arrête de rigoler, c'est que ce que dit Bion, c'est qu'être en bonne santé, ce serait ne plus rêver. C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est à l'horizon de la pensée de Bion, cette idée qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre du rêve qui est un processus bien réel et qui fait une différence. On a des rêves, on n'a plus de rêves. Mais enfin, c'est l'application de cette maxime, sublata causa tollitur effectus, une fois qu'on a enlevé la cause, il ne devrait plus y avoir d'effet, quand vous l'appliquez au vitz, n'est-ce pas, au trait d'esprit, n'est-ce pas, c'est ce que j'avais dit avec à Grünbaum à l'époque, n'est-ce pas, une fois qu'on est analysé, il finit de rire. C'est finalement répondu, you very wrong, Pierre-André. Il avait un accent allemand à couper au couteau. Adolf Grünbaum, you're very wrong. Et je dirais des choses de Grünbaum parce que c'est un personnage absolument fascinant. Donc, tout ce qui est important aux yeux de Grünbaum, c'est que si Freud a du sens, si ce que dit Freud a du sens, c'est uniquement si Freud est ce qu'il revendique d'être, un Naturforscher, un savant naturaliste. Mais si ce qu'il dit a du sens, alors ça a effectivement du sens, sauf que c'est faux. C'est-à-dire qu'on comprend ce qu'il veut faire, une théorie causale, etc., et ça a du sens, mais c'est faux. Voilà, parce que Et c'est faux parce que les arguments qu'il donne sont soit des arguments qui sont mal construits, il n'y a pas possibilité d'expliquer un changement causal dans un comportement ou dans la présence ou l'absence d'un rêve à partir de la simple élucidation du sens d'un contenu inconscient, et que la manière dont il le défend est un sophisme. Puisque par exemple, lorsqu'il dit qu'après avoir fait cette interprétation, le patient, telle et telle chose s'est modifiée chez lui, c'est un sophisme qui se formule aussi en latin, c'est le sophisme du post hoc, ergo propter hoc, après tel événement, donc à cause de tel événement, c'est pas parce que quelque chose s'est passé après l'interprétation que l'interprétation est l'effet causal de, enfin que l'amélioration du patient est l'effet causal de l'interprétation. Qui prend d'ailleurs, et Grunbaum ironise d'ailleurs, des proportions vertigineuses dans la psychanalyse. Puisqu'il y a plein de gens qui pensent même que l'interprétation, c'est comme si vous aviez fourni la représentation manquante qui permet de reconnecter la chaîne de représentation, le signifiant par exemple, de manière à réparer une chaîne qui était brisée. Autant expliquer le mal de tête par la carence en aspirine, au motif que quand on donne de l'aspirine à quelqu'un, son mal de tête s'arrête. Hein, c'est le sophisme thérapeutique par excellence. Et Grunbaum de souligner que, à sa connaissance, beaucoup de théories psychopathologiques autres que la psychanalyse s'imaginent faire ça. Même un comportementaliste qui vous explique que parce qu'il a guéri tel et tel trouble du comportement, telle ou telle mauvaise habitude, et que le patient s'est amélioré, s'imagine que c'est à cause de son action qu'il a, qu'il a provoqué ça. C'est le même sophisme, n'est-ce pas ? C'est comme expliquer la migraine par la carence en aspirine. C'est pas parce qu'il vous supplée que ça va, cet effet-là. Donc là, c'est extrêmement... c'est ça qui est très joli en général, c'est très simple, extrêmement vigoureux, et ça attaque des croyances que vous pouvez entendre. Le discours des psychanalystes, si vous l'écoutez un petit peu, est plein de cette croyance que l'interprétation, ça consiste à filer à l'autre le signifiant qui lui manquait. Comme si, n'est-ce pas, il y avait un trou dans la chaîne et qu'on va le réparer. Dans lequel on joue alternativement sur le signifiant au sens d'un objet qui serait le chaînon manquant, ou la représentation, etc. Et puis, ce sont des discours qu'on entend extrêmement régulièrement. Et alors, l'alternative, ce serait bien sûr de dire « Ah mais pas du tout, Freud n'a jamais été un naturforscher. C'est l'interprétation à la rigueur, n'est-ce pas ? C'est du sens, ça change le sens, et uniquement le sens, et ça a des effets causaux qui sont marginalisés. Mais, comme Grunbaum dit, n'est-ce pas ? Cette façon de sauver Freud, c'est le baiser de la mort. » Page les plus célèbres de l'épistémologie, parce que Grunbaum, c'est un des plus grands épistémologues du XXe siècle, hein. C'est le baiser de la mort. Parce que s'il suffisait simplement de redécrire les symptômes pour les guérir, ce serait avouer que vous n'avez pas du tout agi causalement. Vous avez juste suggestionné le patient en lui apprenant à considérer sous un autre jour, d'une autre, à voir autrement les choses, et aucunement à supprimer quelque chose de réel ou à faire apparaître quelque chose de réel. Et ce serait le baiser de la mort, dit-il. Cette façon de sauver Freud. Et Freud, dit-il, l'aurait certainement récusé s'il en avait entendu parler. Alors, dans les années 90, quand j'écris mon commentaire d'Notre âme de Huttung, on ne parlait que de ça. C'était vraiment le truc... Grunbaum, c'était comme ça, et donc quand même, d'une certaine manière, une réponse à Grunbaum. Le contexte est le suivant. C'est que Grunbaum, c'est vraiment un néo-positiviste logique viennois. Grunbaum, il a quitté Vienne quand il était tout jeune pour échapper aux persécutions antisémites. Il s'est réfugié aux États-Unis. Aux États-Unis, d'ailleurs, il a fait, c'était un physicien de formation, parce que c'était un vrai Viennois. Donc il y a deux choses à lire quand vous êtes Viennois et que vous avez 20 ans à Vienne, c'est Einstein et Freud. Donc il a consacré les 30 premières années de sa vie à devenir le plus grand philosophe de la cosmologie einsteinienne qu'il ait jamais eu. C'est les plus grands livres, les grands livres de Grünbaum sur la cosmologie einsteinienne font encore autorité. C'est vraiment un des plus grands spécialistes de la philosophie et de la physique. Et il a travaillé avec Carnap et il a fait il a fait partie des savants allemands qui ont interrogé pour le compte des services de renseignement américains les spécialistes de la bombe atomique nazie qui ont été capturés par les... Il a conduit des interrogatoires puisqu'ils avaient une poignée de physiciens qui parlaient parfaitement allemand, dont évidemment Grünbaum, et c'est lui qui a débriefé les gens que les services de renseignement américains capturaient un peu partout pour construire la bombe atomique, la bombe H, enfin pas la bombe H, mais pour développer l'industrie militaire nucléaire américaine. Et en remerciement de ses bons et loyaux services, il a pu faire un doctorat de philosophie des sciences sur la physique. Je crois qu'il l'a fait à Princeton et il est devenu comme ça le plus grand spécialiste de la philosophie de la physique du XXe siècle, clairement. Et puis une fois qu'il a senti que du point de vue de la logique mathématique et du calcul, c'était plus tout à fait ça, il est passé à la deuxième partie du programme de son existence, à la lecture intégrale de Freud. Avec les méthodes de l'épistémologie, etc. Et donc, pour lui, Freud, c'était absolument évidemment, parce que c'est le milieu dans lequel il a été élevé, etc. Il faut savoir que les néopositivistes logiques aimaient beaucoup Freud. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ont fait le voyage pour à la fois faire une étude sur une psychanalyse et des études à Vienne avec les néopositivistes logiques. Monique, par exemple, est un des exemples. Sinon, il faisait les deux choses. Alors, le soir, il était sur le divan et on leur dit la philosophie de la physique et de la logique avec ce groupe-là autour de Weissmann, de gens comme ça. Et en particulier, Freud paraissait à tous ces gens quelqu'un qui avait enfin décroté totalement la psychologie de son refus de l'approche scientifique. Et donc, pour quelqu'un comme Grünbaum, c'était une insulte faite à Freud de ne pas le traiter comme un savant, comme un médecin qui avait véritablement proposé la première théorie scientifique consistante, faisant sens de... Et donc, il trouvait ridicule les arguments popériens qui sauvaient Freud comme métaphysicien. D'abord parce qu'il est beaucoup plus puissant que Grünbaum sur le plan de la réflexion épistémologique que Popper, qui est une conception archi-simpliste de l'induction, tandis que par exemple chez Grünbaum, il y a des défenses des techniques d'induction qu'utilise Freud comme un très très puissant penseur de l'induction, chez Freud beaucoup plus puissant que Popper. Mais en même temps, une aversion totale pour ces sauvetages sémantiques, intentionnel, au niveau du sens, à la rigueur, voilà, Habermas, qui s'en prennent plein la figure de Freud. Alors, l'enjeu, au moment où les choses se sont passées, c'est un enjeu qui n'a pas cessé, parce que ce que je suis en train de vous dire, ça a été monté aux États-Unis dans les années 80, alors ça, c'est la cause, en termes de sociologie des sciences, le travail de Grünbaum, c'est la cause de la disparition totale de la psychanalyse des cursus d'enseignement de la psychiatrie aux États-Unis. Totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul psychanalyste qui a pu résister à cette espèce de rouleau compresseur démontrant, dans une ambiance où le psychanalyste est un médecin aux États-Unis, par référence un médecin, et un médecin universitaire, qu'il n'y avait aucun moyen de sauver une conception naturaliste de la psychanalyse. Donc ça a été un peu oublié, parce que c'est le tournant des années 80, mais tout le mouvement d'expulsion, de non-renouvellement des chaires de psychiatrie tenue par des psychanalystes qui s'amorce dans les années 80, est, du point de vue, je crois, de la sociologie de la science, dû à l'activité hypercritique de Grünbaum. Grunbaum, qui est la différence des anti-freudiens, n'est pas du tout quelqu'un qui dit qu'il ne se passe rien dans une psychanalyse. Il est tout à fait d'accord pour dire que ça fait certainement des choses aux gens. Le problème, c'est que la manière dont les psychanalystes l'expliquent, ça n'a rien à voir avec la choucroute. Et en termes de choucroute, ils s'y connaissaient, semble-t-il. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'argument, c'est pas du tout qu'il se passe rien. C'est que vu la façon dont les gens expliquent ce qui se passe, autant ne pas mettre ses billes là-dedans. Et qu'il y a eu évidemment toutes sortes de tentatives de répondre à Grunbaum, qui toutes ont tourné en eau de boudin, avec ce penchant suicidaire absolument caractéristique de la psychanalyse aux États-Unis. Ils ont fait de Grunbaum un des membres du board chargé de l'examen de la justification scientifique de la psychanalyse. Il a eu sans aucune difficulté, il a totalement pulvérisé tous les projets de pseudo-validation clinique qui étaient soumis. Et ça a véritablement eu un effet de déflagration. Alors, ce que je vais faire dans les séances qui vont venir, c'est de prendre les 7 thèses que j'extrais de la trimbologie, que je vous ai mis là, et de montrer comment et en quel sens ces 7 thèses suppose, en arrière-plan, une certaine philosophie de l'esprit. Une philosophie de l'esprit qui n'est pas celle dans laquelle ce lit de Procuste, en quelque sorte, sur lequel Grunbaum étend Freud pour le déchiqueter avec ses propres arguments. Mais qui n'est évidemment pas une philosophie de l'esprit qui est lisible directement dans le texte de Freud. Pour que cette philosophie de l'esprit émerge, il faut traiter un certain nombre de propositions, de termes freudiens, comme des concepts. Il faut les construire comme des concepts, pas simplement les prendre dans leur littéralité dénoncée, montrer le type de logique qu'ils convoquent, leur organisation générale, et c'est seulement une fois qu'on a fait apparaître cette philosophie de l'esprit implicite qu'on peut répondre à l'objection épistémologique. Alors je vais juste terminer ce soir sur la thèse 1, parce que ça me paraît être une des choses à la fois les plus simples et en même temps les moins claires de l'ensemble. C'est parce qu'elle comporte simplement une explication du titre. C'est la thèse toute simple qu'il y a un concept du rêve. Il y a un concept du rêve, ça n'est absolument pas évident qu'il y ait un concept du rêve. Pour qu'il y ait un concept du rêve, un concept, c'est deux choses. Un concept, c'est un terme qui a une valeur dans un argument. Et selon... il ne prend sa valeur que dans un argument, selon qu'il rend cet argument vrai ou faux. Ça peut être un terme de la langue, etc. C'est pas le mot, hein. Il faut que ce soit un concept, ça ne peut pas exister en soi. Un concept, ça ne peut exister qu'inséré dans un argument. Dieu, ce n'est pas un concept. Mais Dieu, dans l'énoncé « l'essence de Dieu implique son existence », devient un concept parce que l'énoncé « l'essence de Dieu implique nécessairement son existence » est une thèse, est un argument qui donne valeur au mot Dieu, qui transforme le mot Dieu en quelque chose qui a une valeur conceptuelle. Donc un concept, c'est un terme ou une expression de la langue qui ne vaut que dans un argument, qui le rend vrai ou faux. Selon ce que vous mettez dans Dieu, cet énoncé va être vrai ou faux. Et ce que vous mettez sous le concept de Dieu, ça n'est pas dans le dictionnaire. C'est l'objet d'une construction spécifique, d'une construction conceptuelle, discursive, qui peut ne pas être du tout dans le dictionnaire. Un dictionnaire ne vous renseigne jamais sur la teneur conceptuelle d'un terme de la langue. Si vous le séparez des arguments dans lesquels il est pris, il ne peut pas y avoir de concept. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas extraire ces arguments d'un ensemble, et les termes de la langue, d'un ensemble de circonstances pratiques dans lesquelles on fait des arguments. On argumente toujours, quand on parle de proposition par exemple, c'est toujours la proposition de quelqu'un qui argumente à quelqu'un d'autre, dans un certain contexte, pour faire un certain nombre de choses. Pas de proposition détachée de l'univers, de tout univers social, anthropologique, de tout contextualisation historique, etc. Et si vous ne savez pas à quoi sert un argument, si vous essayez de lire un argument de la théologie mystique du XVe siècle dans les termes de notre conception du monde, vous allez nécessairement manquer quelque chose de ce qui pouvait être recevable, entendable, de ce à quoi ça servait, de quelle croyance ça servait à corriger. Si vous n'avez plus la croyance que cet argument de théologie servait à corriger, si vous ne pouvez plus vous la représenter, vous allez lui donner une valeur qui est totalement différente de celle qu'elle avait dans l'articulation de ce temps. Or, justement, c'est très important avec la notion de rêve, parce que la notion de rêve, elle est ici construite dans un contexte particulier, qui est le rêve communiqué lors d'une cure psychanalytique. Ça n'est pas tout rêve. Au début, en 1900, ça donne l'impression d'être le rêve en général. Et de plus en plus, le rêve en général, dont mes rêves, dit Freud, sont un exemple. Mais au fond, ce que je pense de mes rêves, ce qui arrive avec mes rêves, si ça m'arrive à moi, ça arrive à tout le monde. Je touche un tel somme d'évidence, là, que si moi, c'est ça ce qui se passe pour moi, c'est que ça peut se passer pour tout le monde. Et ça, le point d'évidence qui recherche. Puis progressivement, c'est des rêves qui sont de plus en plus des rêves de névrosés, c'est des rêves qui sont rapportés, ce sont des rêves qui intègrent la théorie du rêve connue par les rêveurs et qui se servent de leurs rêves ou qui rêvent pour critiquer Freud, etc. Et puis peut-être, sauf que Freud n'insiste pas là-dessus, peut-être des rêves aussi qui sont rêvés pour justement complaire à Freud, des rêves qui viennent juste pour confirmer la théorie freudienne du rêve, etc. Ce qui l'oblige à faire de plus en plus de circonvolutions. Autrement dit, il y a un ensemble d'artifices de procédures en dehors desquels il est très difficile de comprendre de quel rêve on parle. C'est pour ça que c'est souvent très compliqué quand un enfant vous rapporte un rêve. On est très embêté quand un enfant rapporte un rêve, parce que quand le protocole n'est pas exactement celui auquel vous auriez pensé pour qu'il y ait des situations transférentielles très particulières, etc., c'est très délicat de savoir dans quelle mesure le rêve, c'est le rêve en général avec des lois psychanalytiques universelles du rêve. Non, c'est des rêves qui sont soumises aux conditions artificielles de production de ce rêve. Et alors, la chose importante, c'est que le rêve est circonscrit dans la trame de Huttung à son interprétation dans un protocole qui est lui-même extraordinairement surdéterminé. C'est pourquoi Traumdeutung, ce n'est pas le rêve, c'est l'interprétation du rêve. Et je dirais même que la traduction la plus juste pour respecter cette dimension-là, la traduction de dit Traumdeutung, c'est le rêve comme on l'interprète. Si vous perdez cette chose-là, le rêve devient le rêve en général, le rêve du dictionnaire, et non le concept freudien du rêve. Concept freudien du rêve qui ne vaut que dans des arguments sur l'interprétation en contexte d'interprétation d'un rêve névrotique. C'est le rêve comme on l'interprète. Mais tout de même, la plupart des rêves qu'il donne, semble-t-il, ce sont ses propres rêves. Non. Enfin, justement, quand on fait le décompte, ça dépend des éditions. Ah oui. C'est parce que c'est la mise en... Oui, mais c'est les mises en page qui font ça. On s'en aperçoit quand, par exemple, vous prenez ce qu'a fait Fischer, qui est de rééditer à part la première édition. Et quand vous ajoutez tous les appendices qui ont été supprimés et que Marinelli et Mayer ont rajouté. En fait, c'est gros comme ça, la première édition. Et là, il n'y a quasiment que des rêves, soit de littérature, soit quelques rêves qu'il a trouvés dans le livre, et puis des rêves de Freud. Et quand vous prenez la dernière édition, celle qui a servi pour la Studienausgabe, et que vous y ajoutez ça fait trois fois le volume. Et on voit très bien, par strate, combien l'accent bascule, et combien de plus en plus Freud s'efface, en disant, au fond, ça n'est plus un livre si subjectif que ça. Quoi qu'il a même pensé supprimer les préfaces qui racontaient l'histoire des... Oh, ça déjà encore plus subjectif, parce que tout est déjà dans le transfert. Quand il isole la notion de transfert, Mais c'est pas au début, elle n'est pas présente en 1900, c'est en 1900. Voilà. La deuxième chose que je voulais dire sur le concept de rêve chez Freud, qui n'est pas le mot du dictionnaire, c'est qu'en réalité, et ça c'est de plus en plus présent à mesure que les éditions se passent, c'est que de plus en plus ce sont les patients qui vont apporter les rêves, et pas Freud qui va se les apporter à lui-même, ça c'est les patients qui les apportent là. Mais en fait, ce qui est important, c'est que quand ils apportent les rêves, ils les apportent comme posant déjà une question de sens. Et en ce sens, ce qui est interprété de plus en plus par Freud, c'est beaucoup moins le rêve que les interprétations que les patients donnent d'eux-mêmes de leurs rêves. Alors, ce qui, dans la pratique de la psychanalyse aujourd'hui, enfin chez les psychanalystes qui prennent le temps d'analyser les rêves, y a des gens pour qui la nature même de la séance exclut même de privilégier les rêves, enfin chez les gens qui le font, c'est devenu quasiment normatif. C'est-à-dire qu'en fait, on interprète beaucoup moins le rêve que ce que le patient dit de son rêve. On attend les premières associations du patient et on n'y va pas comme semble-t-il Freud semblait le faire. Freud, une fois que le rêve était terminé, bon, il partait, il embrayait, il vous expliquait le rêve. Et les gens étaient sidérés parce qu'il paraît qu'il avait un talent. C'est Abraham Gardiner qui raconte ça. Il vous expliquait carrément comment vous aviez baisé la veille, quoi. Juste après que vous ayez raconté votre rêve, quoi, en gros. Et avec qui, et pourquoi, etc. Et donc les gens étaient tétanisés. Mais ce qui est absolument fascinant avec l'évolution de la technique, c'est qu'en réalité, maintenant, je connais très peu de gens, ça ferait oniromancie, ça ferait tour de foire. On se tait, et on laisse le patient associer sur le rêve. Et on voit apparaître, d'ailleurs, dans la troisième édition de la Traumdeutung, cette idée, aujourd'hui, fondamentale et mais constamment méconnue par les détracteurs de la psychanalyse, que les associations faites sur le rêve ont autant de valeur que le rêve lui-même. Puisqu'au fond, ce qu'on cherche, c'est la réactivation transférentielle d'un certain nombre de processus psychiques qui ont produit telle et telle image dans la nuit. Bon. Mais ce n'était pas absolument clair dans la première interview. Ce qui veut dire que Traumdeutung, au fond, on devrait être encore plus audacieux que les traducteurs modernes. Ce n'est pas tellement l'interprétation du rêve, c'est l'interprétation de rêve en tant que manière de dire, en tant que contenu, dirais-je. C'est ce qu'on interprète, à la limite, c'est l'interprétation de rêve. Ce n'est pas du tout le rêve, mais l'interprétation de rêve. Et pas tellement celle que fait l'analyste que celle que fait le patient. C'est toujours une interprétation au second degré, au point que les associations du rêveur sur le rêve en séance ont autant de valeur que le rêve, parce que quoi ? Eh bien, alors ça c'est une notion sur laquelle je travaillerai beaucoup, parce qu'elle est centrale, d'une certaine manière, ça réactive, ou ça participe à la même activation expressive que celle qui a donné lieu au rêve. Il y a quelque chose dans les associations sur le rêve qui, de manière même, c'est ça qui est sidérant, si le récit du rêve intervient 30 ans après que le rêve ait été fait. Hein, même si c'est un rêve d'enfance qu'on raconte, le fait de le raconter sur le divan est censé, au fond, dire quelque chose d'un processus qui n'est pas mort, qui est toujours en activité et qui est absolument présent. Donc je termine sur ça, la première thèse, c'est une thèse de nature conceptuelle, mais qui circonscrit de manière très très étroite, au fond, ce que c'est que le rêve. Si vous y réfléchissez, l'argument de Grünbaum disant « il faut aller jusqu'au bout de la logique et de dire si le refoulement est élevé, les gens ne devraient plus rêver », c'est un argument qui tombe. Si vous ne traitez pas le rêve comme le rêve au sens commun, mais le rêve au sens où il est circonscrit dans la définition conceptuelle qu'en donne Freud. Parce que ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'il est vrai, ça c'est un fait qu'on observe, qu'on a tous observé, que quand on fait son analyse, il y a très souvent des rêves qu'on faisait, souvent des rêves répétitifs par exemple, et puis on ne les fait plus. C'est vrai qu'il y a des rêves comme ça, qui tombent après des interprétations, des années, tu vois, disparaissent. Non. Donc c'est pas vrai, on va pas dire non plus que ça ne disparaît jamais, qu'il n'y a pas des effets d'apparition ou de disparition. Mais c'est toujours, parce que même quand les éléments du rêve reviennent, c'est toujours parce qu'ils sont pris dans une dimension qualitative, ils n'ont pas le même sens, ils n'ont pas la même valeur. Des choses, par exemple, peuvent se reproduire sur le mode non plus du cauchemar, mais du rêve. Pardon. Perdant complètement cette qualité, ça ne réveille plus. Hein, la personne sur le divan va continuer à faire un rêve, mais elle va pouvoir, par exemple, ne plus se réveiller en le faisant. C'est-à-dire qu'il y a des changements de nature qualitative et conceptuelle qui font que ça n'a pas la même valeur, le même poids dans l'économie psychique globale des choses. Mais à condition, évidemment, que ce soit pris au sens de ce rêve qui est donné, interprété, et non pas du rêve en général. Et c'est la raison aussi pourquoi on n'apprend rien du tout sur la psychophysiologie du rêve quand on fait de l'analyse de rêve psychanalytique, hein, que ça ne nourrit en aucune manière, aucune neuropsychanalyse ne peut apporter quoi que ce soit à... Enfin, en général, d'ailleurs, hein, ça n'apporte rien du tout. Mais en particulier, ça n'apporte rien à la théorie du rêve. Donc voilà, premièrement, ce que je vais faire successivement, c'est de reconstituer cette dimension conceptuelle qui permet ensuite, vous voyez, de voir quelles extensions sont possibles de la théorie du rêve. Par exemple, la question du rêve des enfants, la question du rêve des psychotiques, la question du rêve des traumatisés. Est-ce que c'est des nouveaux objets empiriques auxquels on applique toujours le même schéma, ou est-ce que c'est l'occasion d'extensions qui sont conceptuelles? Est-ce que l'histoire, une partie de l'histoire de la psychanalyse ne peut-elle pas être pensée comme une histoire conceptuelle, avec des extensions de concepts, et non pas simplement des nouveaux signifiants introduits comme ça de manière plus ou moins arbitraire? Et évidemment, la théorie du rêve sur laquelle je testerai tout ça, c'est celle de Bion. C'est celle de Bion. C'est de savoir si la théorie bionienne du rêve et de la rêverie est une extension conceptuelle de la trame d'Oitoum, comme Bion le prétend. Et alors, dans ce cas, quelles sont les transformations conceptuelles qu'il fait valoir, qui lui permettent de tenir des thèses qui, quand vous les lisez, ont l'air diamétralement opposées à ce qu'il y a dans la trame d'Oitoum, littéralement, mais qui, à l'intérieur d'un argument, en fait, relève bien d'une extension de concept et pas d'une simple contradiction apparente entre des théories qu'on aurait à gauche ou à droite et qu'on pourrait confronter. Voilà. Une remarque ou une sur ça? Alors, on va avoir... J'ai eu plusieurs propositions. Donc, j'ai dit tout à l'heure, Gilles Deleys... bien voulu venir faire, il viendra en février, hein, faire un exposé sur Malcolm. En mars, Sébastien Smirou viendra, qui est le traducteur de Rêverie de Féraud. Mais je pense que c'est pas, il veut pas parler de Féraud ou que de Féraud, il viendra parler de la notion de rêverie. Et Isabelle Robert a proposé de faire quelque chose, elle est là Isabelle, si vous voulez dire un petit peu, puisque vous êtes là, ce que vous m'avez proposé. Je trouve que c'était absolument tout à fait essentiel pour votre propos. Oui, tenter de présenter quelque chose de mon travail avec des personnes qui ne parlent pas et qui sont profondément handicapées et psychotiques. Voilà. Et si j'ai bien compris, sur justement une dimension de rêverie qui vous semble au cœur de votre travail avec des gens qui ne parlent pas. Ouais. Et avec qui vous dansez, c'est ça? Bah, du coup, oui, j'ai dû aller dans un autre, un autre terrain, ouais. qui pour moi était moins saturé de mots. Voilà. Et donc, je me suis dirigée vers le monde de la danse. D'accord. Enfin, aidée par une chorégraphe. Qui est? Nicole Estrabo. D'accord. Ben écoutez, voilà, donc vous montrerez un film, hein, c'est ça, et puis vous ferez une petite réflexion sur votre... je trouve ça absolument au cœur de ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le problème de la représentation psychique, hein, de ce qui se passe quand on est confronté à quelque chose où ça ne parle pas. Bien, on peut toujours dire, c'est quand même des gens, ça parle autour, hein, ils sont pris dans du discours, mais néanmoins, il y a des dimensions ici qui sont évidemment moins explorées. Mais c'est vrai, je parlais la dernière fois de la question des rêves chez les personnes atteintes de Alzheimer, parce qu'en fait, c'est la question de la mémoire aussi. Parce qu'en fait, pour raconter un rêve, il faut quand même qu'on s'en souvienne. Enfin, ça paraît totalement évident, mais... C'est une question que vous posez. Moi, je ne suis pas sûr que pour raconter un rêve, il faille s'en souvenir. Je pense qu'on peut l'imaginer. Mmh. Il m'arrive souvent, moi, de dire aux patients, vous en souvenez, c'est pas grave, imaginez-le. À votre avis, vous avez rêvé à quoi? Si vous avez rêvé à quoi? Et je pense que le propre d'une séance analytique, enfin dans son caractère complètement dingue, hein, évidemment, il ne faut pas raconter ça dans la rue, hein, on peut dire un propos comme ça, hein, c'est qu'il faut avoir confiance. La condition de la psychanalyse, qui est quand même la croyance dans l'inconscient, c'est qu'on peut prononcer des énoncés de ce truc-là, de ce genre-là, hein, c'est pas grave, dites quand même à quoi vous avez rêvé, à quoi vous avez rêvé. Et ça va produire quelque chose qui est au cœur du au cœur de ce qui intéresse. Mais ça va chercher un endroit, quoi. Oui, ça interpelle. Oui. Mais je crois que ça fait partie du travail de l'analyse de lever les résistances qui sont attachées aux représentations moïques du fonctionnement psychique. Mmh. Pas du tout. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Imaginez. La limite, c'est évidemment de transformer ça, comme je l'ai dit, Jungien, en un exercice psychique d'imagination par amplification. Bon, mais ça montre bien que c'était pas totalement dépourvu de fondement aux racines même de l'expérience. Donc à nouveau, je suis pas du tout sûr qu'on ait besoin de se souvenir. Il y a plein, on a tous l'expérience d'avoir eu des rêves très féconds à l'analyse, dont au fond il restait, par rapport au sentiment de richesse de ce que ça avait été, que rien du tout, quoi, une demi-image dont on n'est même pas sûr. Mais c'est pas grave, puisqu'elle est comprimée et que en partant, on est soi-même étonné de pouvoir faire 20 séances sur un débris de. Et donc, je ne suis pas du tout sûr que la question de la mémoire prime. Et puis d'abord, ça voudrait dire que pour être analysant, il faut avoir des capacités intellectuelles. C'est très rare, les analysants qui ont des capacités intellectuelles. Très, très rare. Heureusement, d'ailleurs. Si les idiots ne pouvaient pas faire d'analyse, on ne gagnerait pas notre vie. Non, c'est vachement important de laisser les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens verbaux et etc. Oui, ça n'a rien à voir avec le fonctionnement cognitif. Même des patients, passés des Alzheimeriens, moi je n'ai jamais fait ça, mais j'ai rencontré à l'étranger des débuts d'Alzheimer. Alors j'étais surtout très intéressé par le fait que, disait-il, les débuts d'Alzheimer étaient, semble-t-il, comme ça, amortis par le travail de l'analyse. C'est possible, hein. Mais c'était à côté du truc qui était le fait que ça lui montrait juste que l'analyse, ça n'a peut-être pas tant de rapport que ça avec ce qu'on appelle la mémoire. Oui, justement, enfin, je me posais la question. Je crains beaucoup plus que c'est un rapport avec des trucs autres qui sont pris dans les propos, les automatismes, la mise en boucle de certains discours. Qui n'ont rien à voir avec la mémoire au sens des engrammes vivants, plus ou moins perdus dans les neurones.